En ce moment, Victorin et la cousine Bette entrèrent et restèrent hébétés de ce spectacle. La fille était prosternée aux pieds de son père. La baronne, muette et prise entre le sentiment maternel et le sentiment conjugal, offrait un visage bouleversé, couvert de larmes. « Lisbeth, dit le baron en saisissant la vieille fille par la main et lui montrant Hortense, « tu peux me venir en aide. Ma pauvre Hortense a la tête tournée. Elle croit son Venceslas aimé de Madame Marneffe, tandis qu'elle a voulu tout bonnement avoir un groupe de lui. « Dalila ! Cria la jeune femme, « la seule chose qu'il ait faite en un moment depuis notre mariage. Ce monsieur ne pouvait pas travailler pour moi, pour son fils, et il a travaillé pour cette vaurienne avec une ardeur. Oh, achevez-moi, mon père, car chacune de vos paroles est un coup de poignard. » En s'adressant à la baronne et à Victorin, Lisbeth haussa les épaules par un geste de pitié en leur montrant le baron qui ne pouvait pas la voir. « Écoutez, mon cousin, dit Lisbeth, je ne savais pas ce qu'était Madame Marneffe quand vous m'avez prié d'aller me loger au-dessus de chez elle et de tenir sa maison. Mais en 3 ans, on apprend bien des choses. Cette créature est une fille, et une fille d'une dépravation qui ne peut se comparer qu'à celle de son infâme et hideux mari. Vous êtes la dupe, le milord pot-au-feu de ces gens-là. Vous serez mené par eux plus loin que vous ne le pensez. Il faut vous parler clairement, car vous êtes au fond d'un abîme. » En entendant parler ainsi Lisbeth, la baronne et sa fille lui jetèrent des regards semblables à ceux des dévots remerciant une madone de leur avoir sauvé la vie.